Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Henri de Montfred, loin du troupeau, tu t'en iras. Henri de Montfred, l'auteur des Secrets de la mer Rouge, immense succès dès sa parution en 1931 et qui a fait battre le cœur de plusieurs générations de lecteurs. Comment ne pas s'identifier à cet aventurier qui a fait de sa vie un roman ? En 1911, il largue le monde occidental et avec lui une existence captive, comme il disait, pour partir, seul, vers des terres et des mers lointaines, forcément dangereuses, et s'inventer un destin. Arrivé à Djibouti, territoire français, Montfred se détourne vite de la vie de colon. Pendant 20 ans, sous le nom d'Abd el Hay, il va sillonner la mer Rouge sur son boutre, tour à tour marchand de perles, trafiquant d'armes et de haschich, parfois espion, souvent hors la loi. Au cours du XXe siècle, Henri de Montfred est devenu le prototype de l'aventurier, prenant tous les risques pour ne suivre que son instinct. Mais cet homme-là, que laissait-il derrière lui ? L'histoire que je vais raconter ce soir est celle de sa face cachée, de sa vie d'avant, de ceux et surtout de celles qu'il a préféré laisser sur le rivage, moderne Pénélope. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Guillaume de Montfred, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte, urbaniste, peintre. Vous êtes aussi le petit-fils d'Henri de Montfred, auquel vous avez consacré plusieurs livres. Ce grand-père, qui devait être un personnage assez imposant, vous l'avez peu connu. Il est né en 1879, mort en 1974, donc à 95 ans. Comment se fait-il que vous en soyez devenu sans doute un des meilleurs spécialistes, voire défenseurs, sans tomber quand même dans la géographie ? Écoutez, en fait, je l'ai bien connu, mais j'ai connu le vieil homme. Oui. J'ai connu les 15 dernières années de sa vie, mais c'était l'homme qui avait déjà réfléchi à sa vie. Et donc, on a tissé une relation amicale, assez forte, je dirais, pour ne pas dire très forte. Et du coup, au moment de sa disparition, il y a eu un double drame. Mon père est mort quasiment en même temps, quelques mois après. Et dans la famille, s'est posé la question de qui devait s'occuper des affaires d'Henri, puisque ça devait être mon père. Et naturellement, je dirais, on a dit, bah, tiens, c'est Guillaume. Mais à l'époque, moi, j'avais 24 ans, je savais rien. Une affaire d'homme. Oui, bien sûr, une affaire d'homme, tout à fait. Et c'est comme ça que ça m'est tombé dessus et que je m'occupe de mon grand-père depuis plus de 40 ans maintenant. Sa vie d'aventure a duré à peu près 20 ans, on peut dire, entre 1911 et 1933, même si elle a duré un petit peu après aussi. Il est revenu en Afrique, mais il est revenu définitivement en France en 1947. Mais sa célébrité, il l'a connue dès 1931, de manière assez surprenante, avec le succès de son premier livre, le plus connu aussi, Les Secrets de la mer Rouge. De quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est un récit autobiographique ? Alors oui, mais c'est romancé, c'est-à-dire que romancé dans le sens où l'auteur a la liberté d'écrire ou de dire ce qu'il veut, de changer un petit peu la géographie, de changer un peu la chronologie des faits, mais en réalité tout est vrai. Un petit exemple, il en a enlevé de la réalité. C'est-à-dire que dans Les Secrets de la mer Rouge, il dit « J'aurais pu endormir un tel et un tel parce qu'il me gênait, il fallait pas qu'il voit ce que je fais. » Et quand vous lisez son journal de bord, il dit « Je les endors. Je leur donne un thé avec beaucoup d'opium et je les endors. » Donc, c'est là toute la liberté aussi du romancier. Il raconte ses aventures en tant que marchand de perles, oui. Trafiquant d'opium, de haschich, d'armes. Pas trafiquant d'opium, au départ, perles et surtout les armes. C'est-à-dire que l'État français envoyait des armes ne sachant pas trop où elles allaient. Et à la limite, il ne voulait pas le savoir. Par contre, ce qu'il voulait, c'était récupérer les taxes. Donc Henri paye des taxes énormes au gouvernement français pour pouvoir exporter. Mais on ne sait pas où elles vont. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'était justement Djibouti en 1911, quand Henri de Montfred débarque là-bas ? Eh bien, en 1911, Djibouti est une ville neuve. Et le gouvernement essaye d'en faire un pendant à Aden. Le gouvernement, c'est français. Le gouvernement français, parce que c'est territoire français. Tout à fait, c'est un territoire français. Une colonie française. Voilà. Les Français s'étaient installés dans la région, à Obok, une vingtaine d'années avant, sur la face nord du golfe de Djibouti, enfin du golfe de Tadjoura. Et puis, c'était pas commode, ils pouvaient pas en faire un port. Donc, ils ont quitté la ville, le village, on pourrait dire, d'Obok, et ils se sont installés à Djibouti, qui a été créé ex nihilo. Donc, ce qui fait que les premières photos qu'on voit de Djibouti dans la collection d'Henri, qui est maintenant conservée à la Société de Géographie. Très belle photo, on voit une ville, oui, on voit une ville qui est toute neuve, avec des arcades, des petits palmiers, bah, comme on verrait aujourd'hui les villes modernes des Émirats arabes. Et comment on y vit ? Des tours en moins. eh bien, on y vit en colonial, avec le casque colonial, avec toute la hiérarchie coloniale, et puis les coulis, les indigènes, comme on dit, qui essayent de trouver leur place, puisque au moment de l'installation de Djibouti, c'est un vrai désert. Il n'y a même pas de village indigène. Il n'y a rien. Mais c'est un lieu stratégique, malgré tout, voilà. Entre la mer Rouge, exactement, l'océan Indien d'un côté, exactement, l'Afrique d'un côté et l'Arabie de l'autre. C'est un lieu stratégique qui permettait, en fait, aux cargos de l'époque de faire escale et de faire du charbon. Donc, ça permettait de développer les voies maritimes. Un peu comme les Anglais avaient fait avec Aden, en fait. Guillaume de Montfrède, nous poursuivrons cette discussion tout à l'heure, si vous le voulez bien. Tout de suite, Henri de Montfrède, Loin du troupeau, tu t'en iras. Un texte de Julie Birmont, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. J'ai échappé aux policiers du port. Pieds nus, avec mon turban et mon pantalon indigène, ils n'y ont vu que du feu. Maintenant, c'est une autre paire de manches. Je dois traverser la rade à la nage jusqu'à la bouée lumineuse. Elle n'est qu'à 1 mille du port. C'est la limite de mes forces de nageur. Là-bas, je m'accrocherai à la loupiote et j'attendrai que mon équipage vienne me repêcher. La mer rouge et noire d'encre à cette heure, et des poissons me frôlent. Oh, des ailerons. Sans doute des requins côtiers qui rôdent. Il est 21h ce jour d'été 1913, quand Henri de Montfrède, 32 ans, se met à l'eau depuis l'ancienne digue désaffectée de Djibouti, chef-lieu de la côte française des Somalies. Il nage parce qu'il a décidé de faire du trafic d'armes et de berner tous ceux qui voudraient l'en empêcher. En l'occurrence, le gouvernement français dont il dérange le système hypocrite. Officiellement, la France veut limiter la diffusion des armes qu'achètent les indigènes. Mais officieusement, elle l'encourage, car elle perçoit de fortes taxes sur la marchandise qui transite par son port. Tant que les contrebandiers sont arabes, il est facile de mimer l'innocence. Mais Henri de Montfrède, seul Européen à oser naviguer dans ces mers redoutables, est trop voyant, trop intelligent, trop dangereux. Ce jour-là, le chef des douanes lui a interdit, sur ordre du gouverneur, de se trouver sur son bateau quand il quittera le port. En homme rusé, Montfrède a cru trouver le moyen de contourner l'interdiction. J'ai dû nager au moins la moitié de la distance. Ces courants froids qui tirent vers le fond ne me facilitent pas la tâche. Quel drôle d'oiseau je fais. J'ai quelque part une femme exceptionnelle, bien qu'allemande, et qui m'aime. Je pourrais vivre simplement auprès d'elle, mais non. Il me faut courir l'aventure en mer. Comme si, à bord de mon boutre, je me lavais de la vie médiocre, abominablement médiocre, qui était la mienne il y a encore 2 ans. Enfin la bouée. Je vais pouvoir me reposer. Aucune prise, elle glisse. Et mon bateau qui tarde. Je ne vais pas résister longtemps dans cette houle. Lucie, tu es contente? Je n'ai pas tenu bien longtemps libérée de tes chaînes. Ma vie de rebelle a fait long feu. Elle se termine déjà. Je me noie. Mais si tu savais comme la mort m'est douce, je suis redevenu un homme. Ça va, capitaine? Lucie, c'est toi? Je veux plus voir. Jamais, tu entends? Bien. Lucie. Il est de toi, celui-là. Pourquoi je t'ai invité à dormir dans ma chambre le premier soir? Pourquoi? Tu ne te souviens pas? Tes seins? Mais oui! Et tu n'as pas pu résister à mes belles miches, et voilà où ça t'a mené. Quel cauchemar! Mais non, c'est ta vie, mon chéri. Celle que tu as choisie et que tu as conduite à ta guise depuis qu'on s'est croisés sur le boulevard Saint-Michel, ce délicieux soir de mai. C'était 3 ans plus tôt, en 1900, au sortir du restaurant Polydor à Paris. Mon Fred est alors aspirant aux grandes écoles scientifiques et loge dans une pension où les visites sont strictement interdites. Il y invite la jeune fille, mais, dénoncé, on le renvoie sur le champ. Dans la foulée, il rate ses concours, sa famille ne le soutient pas, alors il se braque et se met en ménage avec la jeune Lucie, une bonne renvoyée de chez ses patrons car elle est enceinte du maître d'hôtel. Le couple enchaîne les petits boulots et puis Lucie retombe enceinte. Ils ont 2 enfants à nourrir. Mon Fred est le moins possible à la maison, où sa compagne élève seule ses fils. Elle s'aigrit, collectionne les crises de jalousie, car monsieur plaît aux dames et il en profite. Une vie médiocre que le jeune homme tente d'oublier en se lançant à corps perdu dans de nouvelles entreprises hasardeuses. Qui veut du lait ? Du bon lait frais, fabriqué par nos bonnes vaches normandes, vaccinées à la tuberculine. Achetez mon lait, mon bon lait. 30 centimes le litre. Une erreur, une de plus. Mais quel crétin, quel effroyable crétin. De quoi tu parles ? De cette laiterie. Je croyais qu'elle te plaisait, cette ferme des Trois Moulins. Avec son ruisseau, ses grands peupliers, et puis tout l'attirail du laitier. La gervaise pour ranger les casiers, le tablier à bavette, la casquette. Des bêtes de somme, pas mieux, voilà ce qu'on est devenu. 2 fois par jour, collecter le lait dans les fermes des alentours, et puis tous les matins, à l'heure du chocolat chaud... Mais c'est toi qui m'as expliqué en long et en large qu'avec un peu d'application, on sortirait du fond du puits, que ce serait la grande vie. Non. Et moi, bêta, je t'ai cru, une fois encore. T'avais fait tous les calculs, hein. Mais c'est toujours pareil, Henri. Tu fonces comme un taureau dans le mur et j'ai pas le choix, je te suis. Mais jamais tu penses à moi, jamais. Et alors au boss, n'en parlons pas. Tais-toi. Et dire que j'ai cru que t'étais le bon cheval, le cheval d'Henri IV même. Un fils de bourgeois qui aurait pu devenir ingénieur. T'es rien qu'un raté, Henri de Montfred. Allez, tu vas descendre, tu finiras le chemin à pied. Moi je vais faire un tour. À te consoler dans les bras d'une putain. Tu fais tout pour l'avoir, ta raclée, c'est ça, hein? Minable. Voilà à quoi ressemble la vie reluisante de mon Fred depuis qu'il a acheté sa ferme. Qui pourrait deviner que ce laitier de 30 ans passés deviendra sous peu l'aventurier avec un grand A, capitaine de boutres de plus en plus grands, bravant les vents de mousson et les dangers de la mer Rouge pour faire commerce de perles, de haschiches et d'armes réformées. En cet hiver 1910, la comète de Halley a traversé le ciel et la Seine-et-Marne est noyée sous une pluie incessante. Les fleuves ne tardent pas à déborder. La voiture de laitier a de l'eau jusqu'au moyeu, puis elle ne passe plus. Mon Fred doit interrompre ses tournées et au lieu de faire fortune, il perd de l'argent chaque jour. Et puis le printemps paraît, les rues sèchent et la Seine retrouve son lit. Mon Fred, entre 2 tournées, rend parfois visite à la seule personne qui le comprenne un peu, son père, Georges de Montfred, artiste peintre de son état. Il habite Paris, rue Liancourt, dans le 14e arrondissement. Y a quelqu'un ? Papa ! J'ai croisé un berger du Cantal qui jouait de la flûte et ça m'a rappelé les grandes vacances. Papa, il m'a vendu une de ses chèvres. Je peux vous aider ? Je cherche... Votre père, il m'a beaucoup parlé de vous. Je suis Amgard. Voici ma nouvelle chèvre, Blanchette. Votre père est allé faire un tour au bon marché. Bon, vous lui direz que je suis passé. Oui, attendez. Tenez, c'est du Earl Grey. Lait ? Sucre ? Rien. Mais pourquoi vous me regardez comme ça, avec vos grands yeux allemands ? Vous... Je vous semble exotique, c'est ça ? Le fils du peintre bohème, ami de Mayol et de Gauguin, en ménage avec une gardeuse de Poisson des Halles. Mais vous n'auriez pas tenu une journée, mademoiselle, dans l'odeur indescriptible et le froid. Elle l'a fait, elle. Et enceinte, en plus. Bien sûr. Ah, ça. Elle ne sait pas dessiner, à peine lire, alors parler des langues étrangères. C'est qu'elle n'a jamais été aidée, elle. Jamais grandi dans la soie, jamais eu personne à qui parler. Et mon père qui n'a jamais daigné la recevoir. Elle se serait affinée à son contact. Mais voilà, il ne veut pas. Alors que vous, une parfaite inconnue débarquant de votre Alsace natale qui fait des études de peinture et qui vous intéressait à Gauguin, il vous tend les bras. C'est que vous avez l'air d'une Valkyrie. Grande, les traits les attachent fines, ce rien de distinction, mais si peu de chair. Oui, j'ai la poitrine plate comme l'eau du robinet. Oh, je suis désolé. Un vrai butor. Restez donc un moment. Je dessinerai votre chèvre. Mais on dirait que c'est moi que vous dessinez. Faites voir. Non, c'est la chèvre. Et vous? Vous avez l'air si triste. La raison en est simple. J'ai raté ma vie. Vous êtes jeune encore. 30 ans passés, mademoiselle. Et encore rien fait qui vaille. Tout ce que j'entame est résolument voué à l'échec. Vous savez que j'ai élevé des poulets avant de devenir laitier? J'avais des centaines de jolis petits poussins. Tous crevés. J'avais fait venir des couveuses. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, j'ai fait le compte, j'ai perdu la moitié de ma clientèle. Mais comment? La faute aux inondations. On va préférer la concurrence qui a su ne pas laisser tomber les sinistrés. Elle avait organisé un service de livraison en barque. Doublé par une barque. Moi, qui n'aime qu'une seule chose sur Terre, naviguer. J'ai toujours voulu devenir pirate, mademoiselle. Elle était blonde. Le torse dénudé et un regard chavirant. La houle se cassait à mes pieds. J'avais 12 ans et je venais de trouver une figure de proue sur la plage. C'était tout ce qui restait de la Marietta qui avait fait naufrage dans la tempête. La mer, la Marietta, la tempête promettait une vie grandiose. Mais qu'est-ce que je vous raconte là? Je me tais, j'y vais. À la prochaine, mademoiselle. Armgard. Armgard Freudenfeld. Je n'éprouve aucune attirance pour cette femme. Aucune. Trop grande, trop de cheveux, un hulan déguisé en femelle. Mais qu'est-ce qui m'a pris à vouloir lui raconter ma vie? Armgard, elle, est dans de tout autres dispositions. Henri de Montfred est l'homme qu'elle attendait. Une sensibilité, une noblesse, une souffrance. Elle voudrait le rendre heureux. La raison de votre regard vague, Armgard? Votre fils est passé. Et il vous a charmé, il vaut rien. Je vais être jaloux. Il est venu avec une chèvre. Il a dit que ça lui rappelait le départ en vacances. Mon fils est un cas. C'est vrai qu'on entendait la flûte de Pan du Pâtre, rue Saint-Placide, avant de partir au château. D'ailleurs, vous viendrez dans le sud-ouest, n'est-ce pas? Ce sera très instructif. Je vous remercie. Mais arrêtez de penser à mon fils, je vous l'interdis. Il a l'air au bord du gouffre. C'est tout à fait ça. Et depuis toujours. Imaginez-le à 10 ans. Il vient de voir le spectacle de Buffalo Bill où des enfants foncent au grand galop tout en tirant au fusil. Au lieu de profiter du spectacle, il faut qu'il se compare à eux. Et la comparaison n'est pas flatteuse. Henri se sent écrasé de nullité. Après le spectacle, impossible d'en tirer un seul mot. Il est sombre et regarde par terre. Et puis, on rentre à la maison, on habite au 5e étage. Et alors là, tout seul, c'est l'illumination. Il décide de marcher sur la balustrade au-dessus du vide. Je l'ai vu depuis le salon, figé de peur que le moindre de mes gestes le fasse tomber. Et je le verrai toujours ainsi, faisant un pas après l'autre, un sourire aux lèvres. Il fallait qu'il se rachète par un exploit. Un exploit absurde. Il a réussi. À écoper d'une bonne raclée, oui. Et vous, vous vous dites, quelle tête brûlée, quel courage. Peut-être. Mais surtout, quel gâchis. Depuis qu'il est avec cette fille, il déploie toute son énergie à aller contre son instinct. Il n'a qu'un réflexe, fuir le troupeau, et il se l'interdit. Ce serait trahir le désir de sa mère et trop ressembler à son père. Oh, c'est vrai que je ne suis pas un modèle. Que ma compagne me mène par le bout du nez, qu'elle me tue en laisse, si vous voulez. Mais je suis vivant. Alors qu'avec ma femme, la vertu incarnée et tout l'ennui qui s'ensuit. Là... Non, croyez-moi, Henri n'est pas du tout l'homme qu'il vous faut. 10 jours après avoir rencontré la jeune Armgard, Monfred est assailli par une fièvre intense. Si intense qu'il n'arrive plus à travailler, complètement abattu, aussi bien physiquement que moralement. Alors, il décide brusquement de vendre sa ferme. À perte, évidemment. Sa compagne, Lucie, montrera à l'acquéreur le fonctionnement de l'entreprise. Lui ira se reposer à Saint-Clément, puisque le médecin préconise un changement d'air. Et pour se prémunir d'une éventuelle crise de jalousie de sa femme, il prend les enfants avec lui. Ça y est, me voilà sur la route d'Orléans. Plus que 915 km et je serai à Saint-Clément. Pour la première fois en 10 ans, je serai très loin d'elle. Si je pouvais liquider tout le bazar et ne plus jamais revoir cette femme, qu'elle m'oublie, qu'elle se trouve un autre type, qu'elle s'enfuit avec lui en Amérique. Adieu, Lucie, sois heureuse. Pourquoi je n'ai jamais réussi à la quitter? Le sens du devoir, je présume. Une règle absurde que je me suis fixée par orgueil, qui m'a rendu la vie impossible et qui a fait de moi un salaud de première. J'ai la fièvre qui remonte. La quinine ne fait aucun effet. Et moi qui croyais avoir le palu. Il va falloir que je fasse des pauses. Après 2 jours de route et une nuit de repos à Perpignan, Henri de Monfred arrive dans le village familier de Corneilla et s'engage sur le chemin de terre escarpé qui mène au château de Saint-Clément. C'est le crépuscule, les montagnes sont orangées et Georges de Monfred regarde la vue grandiose avec Armgard depuis le potager qui domine le plateau. Vous avez une telle chance d'avoir grandi dans un décor aussi somptueux. Voyez-vous, ma mère, Caroline de Monfred, avait un contralto magnifique et des admirateurs. Parmi eux, Uncle Reed, un riche négociant en diamants pour Tiffany. Il était probablement mon père. Et il lui a offert ce château. Votre mère était chanteuse ? Ou chanteuse d'opérette. Hein. C'était une originale. Mais il se peut que l'oncle Reed n'ait été qu'un intermédiaire. Et que mon père véritable... Oh, est-ce que je vais oser vous le dire ? Et que mon père véritable ait été le roi des Belges lui-même, Léopold II. Ben, vous blêmissez ? Ce n'est pas si grave. Le roi collectionnait les enfants naturels. Ce n'est pas la camionnette d'Henri qui vient d'entrer dans la cour ? Si. Henri, tu aurais pu prévenir tout de même. Ne me regardez pas avec cet air apitoyé. Ça m'abat, mademoiselle. Je ne suis pas le Christ en croix. Non, mais quand même. Quand je me serai taillé la barbe, ça ira mieux. À peine arrivé à Saint-Clément, Monfred doit s'aliter. La fièvre dépasse allègrement les 40, baisse, puis repart. En attendant le médecin, on appelle au chevet de Monfred un rebouteux, un réfugié espagnol, qui en entrant dans la chambre s'exclame simplement « Bouabès, la fièvre de Malte !» laquelle se transmet par le lait de chèvre. Blanchette, la chèvre achetée dans la rue, elle était malade, voilà pourquoi le pâtre a bien voulu la lui céder. Et Monfred a bu de son lait. La fièvre de Malte est une maladie dont on guérit lentement, mais dont on ne meurt pas. C'est pourquoi ce soir-là, comme un couple de voisins a raté le dernier train, Monfred propose de les ramener chez eux avec son camion. Je vois bien, la Valkyrie meurt d'envie de faire la route avec moi. Son engouement me flatte. Je ne me l'explique pas, mais j'en profite. Elle s'occupe si bien des garçons, ce dont je suis incapable. Son dévouement me touche, et bon, avouons que je lui fais un peu de charme. Hier, j'aurais peut-être pas dû lui prendre la main et répondre à son regard humide, mais c'était dans le feu de l'action. Je me suis mis au piano et j'ai chanté cette chanson émouvante d'Aristide Bruant. Le jeune homme propose néanmoins à Armgard de l'accompagner et elle accepte avec joie. À l'aller, ayant les passagers à ses côtés, il conduit vite sur la route de Villefranche. Les 30 km sont avalés. Mais au retour, c'est la pleine lune et désormais seuls, ils sont côte à côte dans le camion. Vous entendez ? Les cigales se taisent quand on approche. Et puis, elles recommencent à chanter. Cette nuit est d'une douceur. Pas un souffle. À part cette petite coulée fraîche qui descend des montagnes. Une nuit où on pourrait croire que la vie est facile. Tout est simple, mais mélancolique aussi. Mélancolique ? Sans doute à cause des ravins, de la route tortueuse. Rien de rond, de doux, de gras, comme une prairie bavaroise. Vous voudriez être en Bavière ? Surtout pas. Je vais éteindre les phares. Oh ! Les ruines cathares sous la pleine lune. On voit même le sommet enneigé du Canigou. Ici, au lieu de rentrer au château, on s'en allait en Espagne tous les deux. Oh oui ! S'enfoncer vers l'inconnu toute la nuit. Voilà, ça y est. Elle pose sa tête sur mon épaule. Attention, je joue avec un petit cœur naïf. Surtout, ne pas se laisser aller. Elle dirait oui à tout. Je voudrais que ce moment ne finisse jamais. Vous connaissez le Sturm und Drang ? Non. La tempête et les passions. Inventé par des poètes allemands mal coiffés. Je vous les ferai connaître. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub, die gold-orange glühen? Ça parle des oliviers, de la myrte et du laurier, de vieilles légendes pleines de dragons et de l'envie impossible d'être ensemble. C'est passé vite. On arrive. Déjà ? J'ai presque cru que vous m'enleviez. Vous étiez un chevalier du Moyen-Âge et le camion de laitier, votre fidèle destrier. Chut ! Le chien ! N'aboie pas ! Toute la maison dort. Bonne nuit, Armgard. Gute Nacht, Henri. Cette Allemande s'imagine des choses. Elle était toute déçue que je l'embrasse sur la joue. Je ne suis pas clair, sans doute, mais comment la détromper ? Heureusement, elle est fiancée à un sculpteur de monuments morts strasbourgeois. En vérité, je ne risque rien. C'est une bourgeoise protestante, rigoriste presque, donc prude. Armgard pousse les fenêtres de la chambre. Ses cheveux dénoués lui descendent jusqu'à la taille. Elle porte une longue chemise largement ouverte, éclairée de dos par la lune. Elle est entrée par le balcon filant et s'avance doucement jusqu'au lit de Monfred, qui ne bouge pas, totalement saisi par cette apparition. Je... Les parents d'Armgard sont peut-être des bourgeois conventionnels, mais elle aime un homme et c'est exactement ce qu'elle veut. C'est déjà l'aube. La maison va se lever. Il faut partir vite. Oui, ce sera notre secret. Et elle est partie comme elle était venue. Monfred a-t-il rêvé la nuit passionnée avec cette Valkyrie descendue du Valhalla ? Ce matin-là, la fièvre dépasse les 42. La maladie entre dans sa phase aiguë, accompagnée de terribles douleurs aux jambes qui le clouent au lit. Henri ! Henri ! Je veux voir Henri ! Il est très malade. Il ne faut pas le déranger. Mais enfin, je suis sa femme. Et mes enfants ! Je veux voir mes enfants ! Ils vont très bien. On s'en occupe. Je veux les voir ! Il vaut mieux pas, ça va tout compliquer. Ils vont être perturbés. Vous arrachez ces enfants à une mère et vous trouvez ça normal ? Sans cœur ! Monstre ! Mais qu'est-ce qui se passe au juste ? Vous allez me le dire ? Personne ne me donne de nouvelles. Vous êtes en train de l'empoisonner, c'est ça ? Henri, Henri ! Je viens te sauver ! Laissez Henri se remettre. Il vous écrira. M'écrire ? Il faudra renoncer à le voir, je crois. Alors voilà, on y est. Vous profitez de sa faiblesse pour l'obliger à m'abandonner ? Après 10 ans ! 10 ans, vous entendez ? 10 ans où je l'ai soutenu à bout de bras, où je me suis saignée, où j'ai supporté ses plans pharaoniques et ses échecs mirobolants ! Mais je suis pas une vieille chaussette ! Criez-moi fort ! Henri a contracté la fièvre de Malte. Il a besoin de calme. Ah ça, vous, pour être calme, vous êtes calme, Georges de Montfred, hein ? Depuis le temps que vous attendez ça, dire qu'il voulait m'épouser ! Bande de lâches ! Salauds ! Et vive la guillotine ! Lâchez immédiatement ce pistolet ! Calmez-vous ! Le domestique a appelé la police. Mademoiselle, je vais vous accompagner à l'auberge. Sinon, vous aurez des ennuis. Une nuit au poste ? Ça serait le comble ! Alors, c'est vous, ma remplaçante ? Une Allemande, manquait plus que ça. Je suis une amie de la famille. Je suis peintre. Venez. J'ai tout perdu, vous comprenez ? Mes fils et mon compagnon. Et même ma laiterie. Tout. Alors voilà, c'est vrai. Je l'ai quitté depuis mon grabat sans lui dire un mot. Je n'arrive pas à y croire. Je suis libre, affranchi de ce boulet. Respire, Henri, respire. C'est fabuleux. Pour une fois que mon père sert à quelque chose. Oh oui, je vais accepter la gentille proposition d'Armgard de placer les enfants en pension en Alsace. Ils seront bien élevés. Elle veillera sur eux et la frontière dissuadera Lucie de toute tentative de récupération. Fini. Fini la vie étriquée. Gloire à ce fichu pâtre qui m'a vendu sa chèvre malade. Vive les brebis galeuses. Henri a encore 8 mois de souffrance devant lui, pendant lesquels il lui faudra réapprendre à marcher, avec des béquilles d'abord. Et enfin, à l'été 1911, le voilà sur pied. On lui parle alors d'une place de commis de factory à Djibouti, en Afrique orientale. Le patron, Guignoni, ne paye pas le voyage, il n'y a aucune garantie, le salaire de 150 francs par mois n'a rien à pactole, mais qu'importe. Djibouti, sur la mer Rouge. Lucie pourra hurler autant qu'elle veut, de là-bas, il ne l'entendra plus. Et ainsi, en août 1911, Montfred le Renaissant quitte la métropole sur l'Oxus, bateau des messageries maritimes. Depuis Marseille, il traverse la Méditerranée, longe la Sicile, emprunte le canal de Suez et débouche dans la mer Rouge. Ça y est, j'y suis. L'aurore point. Le ciel est cuivré et se confond avec la mer. Au fond, la rhyolite du Sinaï étincelle. Le mont biblique s'amenuise et le paquebot cingle plein sud. Je devine à tribord l'Égypte et le Soudan. Maintenant, le détroit de Péri m'approche. Le fameux Bab el-Mandeb. Il paraît que ça veut dire la porte des lamentations. Et on retrouve les côtes africaines. D'immenses falaises noires, des tables de basalte qui se sont arrêtées dans la mer, comme des purs sangs cabrés. La chaleur fait vibrer l'air, et les cailloux sculptent des monstres endormis. Quel spectacle ! Sur le pont du bateau, je suis le seul à m'ébaudir. Les autres sont blasés ou indifférents. Je ne les comprendrai jamais. Djibouti. La ville portuaire, toute blanche, semble flotter sur l'eau quand Montfred la découvre depuis le pont du paquebot. Mais à peine débarqué, il déchante. Les coloniaux de la côte française des Somalies le dégoûtent. Seuls l'intéressent les indigènes, la noblesse de leur allure et le regard brillant qui est le leur. Il se prend à rêver de partager leur quotidien sur les boutres, ces bateaux aux voiles arabes, et de naviguer avec eux entre les îles et les récifs qui parsèment la mer Rouge. Il m'a écrit qu'il a décidé de cesser le commerce dans les terres pour se mettre à naviguer. Il veut que la mer soit sa raison de vivre. Alors ça, c'est vraiment fantastique. Henri est un barreur hors pair. Il a un sens inné du vent. On avait un cotre autrefois. Voilà enfin une décision sage et réfléchie. Naviguer. Il a l'intention d'exercer des activités plus ou moins légales. Un détail, Amgard, un détail. Ce qui compte, c'est de considérer la mer autrement que comme un joujou. C'est d'y passer sa vie. La tête dans les embruns et le gouvernail entre les jambes. Oh, mon fils a de la chance. Pour la première fois de sa vie, je l'envie. Côtoyer les pêcheurs de perles, les négriers ou les contrebandiers, rivaliser avec les sambouks ou les zarougs. J'ai fait développer les plaques photos qu'il m'a envoyées. Je crois qu'il y en a une de son bateau. Il fait 6 mètres et il est gréé en aurique. Quel enthousiasme! Si j'avais quelques années de moins et une femme moins autoritaire, j'irais le rejoindre. Mais je me contenterai de lire ses aventures. Il va tenir un journal. Voilà un fils selon mon cœur. Enfin! Je suis donc amoureuse d'un futur pêcheur de perles. Et plus certainement encore, d'un trafiquant et contrebandier d'armes. Il ne me cache rien, me décrit ses femmes et la solitude morale qui est la sienne, la vénération que ces hommes ont pour lui. Il sait que rien ne me choque, alors il s'épanche. Il s'est converti à l'islam et porte un nouveau nom, Abdelhaï, l'esclave du vivant. Mais voilà, il m'envoie aussi de temps à autre un gage d'amitié, comme cette bague en or abyssin, tout rayée, parce qu'il l'a portée sans cesse, me dit-il. Alors je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il s'agit d'un peu plus que d'amitié. Mais quand va-t-il s'en apercevoir ? Depuis qu'Henri de Montfred est arrivé à Djibouti, il a entamé avec Armgard une correspondance nourrie, et c'est par papier interposé que leur idylle se noue. Le jeune homme est réticent à parler d'amour, mais tout se précipite quand il apprend qu'il a un rival, un médecin indien diplômé à Strasbourg, et que la jeune femme est prête à le suivre dans son pays. Son sang ne fait qu'un tour. Il rentre précipitamment en Europe pour convoler en juste noce avec Armgard, rayonnante de joie. Elle sait pourtant qui elle épouse. Et tout le long de sa courte vie, elle mourra d'épuisement à 51 ans, elle ne fera qu'attendre son aimé, vivant dans la terreur qu'il lui arrive un malheur, s'abîmant les yeux à force d'essayer de déceler à l'horizon une voile blanche qui signerait son retour. Entre-temps, cette femme, qui saura être son associée, son soutien, sa complice, lui donnera 3 enfants, Gisèle, Amélie et Daniel, qui grandiront à Obok, en face de Djibouti, sur un bout de littoral torride. Non, c'est pas possible. Je vois sa voile qui approche. Il faut prévenir Henri qu'il arrive dans la gueule du loup et que ses ennemis l'attendent pour couler son boutre. Vite, je lui fais le signal d'alarme convenu. Évidemment, les yeux exercés des Somalis ont déjà déhalé la grande voile du bateau mouillé dans la rade. Et leur Zeima prend en chasse celui de Manfred. Ouf. Henri a vu mon signal avec la lampe et repéré le navire. Il vire de bord, toute voile dehors vers Tadjoura. Puisse-t-il les semer ? Henri de Montfred, loin du troupeau, tu t'en iras, de Julie Birman, avec Henri de Montfred, Nicolas Gonzalez, Armgard Freudenfeld, Flora Brunier, Lucie d'Auvergne, Yasmina Remil, Georges de Montfred, Jean-Pierre Becker, bruitage Sophie Bissans, prise de son, montage et mixage Bernard Laniel et Antoine Viossa, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, on continue de parler d'Henri de Montfred avec mon invité Guillaume de Montfred. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Mon préféré, mon choisi. Delgrès, Maud Jeudi sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Kevin Pelot. Guillaume de Montfred, étonnante trajectoire que celle de votre grand-père, hein. C'est un jeune homme, il a plus de 30 ans, il a tout d'un raté presque, comme on pourrait dire. C'est vrai. Et puis il part et il va devenir un aventurier, il va changer d'identité presque. Est-ce qu'il devient quelqu'un d'autre ou alors est-ce qu'il renoue avec son enfance? Moi, je crois qu'il devient lui-même, en fait. Et que pendant 30 ans, il avait son lui-même, son soi, avait été étouffé par les conventions. Je me suis longtemps posé la question, si vous voulez, même pour moi, de savoir mais comment il a pu faire ça, quelle est la raison de ça. Et en réalité, il lui est arrivé ce jour-là, ou ces mois-là, trois catastrophes. Une catastrophe sentimentale, en n'aimant plus Lucie et en l'envoyant promener méchamment. Une catastrophe de santé, la fièvre de Malte. De la chèvre. Et puis, troisième catastrophe, il était ruiné. Donc, quelqu'un qui se trouve dans un état aussi réduit, on comprend qu'ils prennent comme une perche n'importe quelle opportunité. Et à l'époque, en 1911, des opportunités comme ça, c'était d'une banalité extraordinaire. Il va tout recommencer ailleurs. Concernant les femmes, Henri de Montfred va en avoir pas mal dans sa vie. Donc Lucie, Armgard, qui est votre grand-mère, je crois. Ma grand-mère, oui. Madeleine Villaroche, qui sera donc sa seconde épouse après la mort d'Armgard en 1938. Oui. Alors sans parler, bien sûr, des amantes et compagnes temporaires. Être sa femme ne devait pas toujours être simple. On imagine votre grand-mère, on la voit à la fin de la fiction, vivant avec ses trois enfants à Hoboken, guettant désespérément une voile à l'horizon. Oui, tout à fait. Je crois qu'elle a... Ça l'a tué, en fait. Hein. Ça l'a tué, cette attente permanente d'un homme qui passe son temps à fuir et à aimer trop la liberté. C'était une femme assez intéressante aussi, qui s'est pas mal occupée, je crois, de ses affaires à lui. Tout à fait, tout à fait. Alors, peut-être pour rétablir une certaine vérité par rapport à ce qu'est l'aventure, je dirais que le plus aventurier des deux, c'est elle. Quand Henri est parti à Djibouti, il n'a quitté rien du tout. Il n'avait plus de santé, plus d'argent, plus de femme, plus rien. Elle, elle a quitté sa famille, elle a quitté les salons germaniques dans lesquels elle évoluait avec aisance, avec toutes les relations qu'on peut imaginer. Elle a... Mais c'est pas une victime. Non, pas du tout. Et elle a pris cette problématique au corps et elle l'a transformée, elle. Mais ça a été très, très, très, très, très dur. Et être son fils ou sa fille, encore pire, ça ne doit pas être facile. Oui, vous écrivez dans votre livre, Guillaume de Montfred, que ses vrais enfants, c'était ses bateaux. Oui, tout à fait, mais je ne pense pas me tromper. À l'époque où il les a fait, évidemment, les bateaux, hein, je ne parle pas, mais puis même les enfants d'ailleurs. Ben, parce que c'est sa vie et c'est par là qu'il peut exprimer sa liberté. Alors qu'avec les vrais enfants qui ont des couches et à qui il faut donner le biberon parce que... Qui râlent parfois. Voilà, et qui râlent et qui pleurent la nuit, non, ça, zéro. Mon grand-père est parti 24 heures après la naissance de sa fille Amélie. Alors, je vous propose d'écouter la voix de votre grand-père, Henri de Montfred, interviewé en 1969, il a donc 80 ans, sur France Inter, par Jacques Chancel, qui lui demandait si sa fuite en 1911 n'avait pas quelque chose à voir avec l'abandon d'une femme. J'avais une femme qui était insupportable, que j'aurais voulu jeter par la fenêtre, mais je ne l'ai pas fait. Et pour rompre avec tout ça, j'ai pris mes gosses, puis je suis parti, j'ai mis les océans entre elle et moi. Là, je voulais faire tout simplement un métier bien sage, acheter des cuirs et du café dans une maison de commerce. Mais quand j'ai été là-bas, je me suis aperçu que les Européens qui y étaient aussi stupides. Enfin, en général, je ne dis pas tout le monde n'est pas stupide. Mais étaient aussi peu intéressants que le sont certaines gens dans les villes les plus reculées de la province. Ils ne voyaient rien de ce qui était autour d'eux, tandis qu'il y avait des choses magnifiques. Il y avait par exemple les tribus yéménites, qu'on considérait comme des pirates, comme tout ce que vous voudrez, qui faisaient le commerce des armes, des esclaves, etc. Mais derrière eux, une civilisation magnifique et un pays impénétrable, où personne n'était allé. Eh bien, je me suis mis en tête d'aller là-bas, et de me faire accepter par ces gens-là, de me faire respecter. Car il ne faut pas nous faire d'illusions, tous ces indigènes, que nous appelons indigènes, évidemment, ils sont du pays, eh bien, nous méprisent. Et ils n'ont pas tort. C'est intéressant, en arrivant à Djibouti, finalement, en 1911, Henri de Montfred, il aurait pu devenir un colon comme les autres, et puis non, il a choisi de changer de cap. Oui, il aurait pu devenir un colon comme les autres. Mais ce que je disais, justement, de son refus des conventions générales, a fait que ça n'était pas supportable. Et il ne trouvait de fréquentable que les indigènes. Quelles ont été ces activités, Guillaume de Montfred? Est-ce qu'elles ont été parfois illégales? Oui, bien sûr, elles ont été illégales, mais je dirais il y a deux degrés dans la légalité. C'est ça qui est assez paradoxal. Il y a un premier degré qui était illégal dans ce sens où le gouvernement français, avec le gouverneur, organisait la contrebande d'armes. Donc c'était illégal, mais la colonie gagnait tellement d'argent que c'était les douaniers qui eux-mêmes rabotaient les caisses pour qu'on ne sache pas leur origine. C'est pas Henri qui faisait ça. Hein, et Henri payait bien les taxes au gouvernement. Mais là où Henri va rajouter une deuxième couche d'illégalité, donc c'est la vraie contrebande, c'est que il livrait là où on lui avait dit de ne pas livrer. Et il fera d'ailleurs exactement la même chose avec le haschich, c'est-à-dire qu'il l'achètera de façon légale, il paiera toutes les taxes aux Anglais à l'achat, mais au lieu de dire « je le vends à tel endroit », il ira le vendre en contrebande en Égypte, et il fera ça pendant 20 ans. Vous avez dit tout à l'heure, Guillaume de Montfred, que votre grand-père endormait parfois des gens avec de l'opium. Oui, est-ce qu'il est allé jusqu'à tuer des hommes, à votre avis? Alors, jusqu'à tuer, je ne sais pas, bon, c'est possible. Je sais qu'il le raconte dans un de ses livres. ça c'est certain. Il le raconte comme un fait. Mais c'est vrai que pour la beauté du geste romanesque, si on peut parler de beauté quand on assassine quelqu'un, même si la cause est juste, même si le type est un traître, même si tout ce que vous voudrez, bon, ça entre dans un cadre romanesque. Alors de là à dire est-ce que c'est vrai ou pas, sincèrement, je n'en sais rien. Je sais qu'à l'époque, il y a eu procès, il y a eu non-lieu avec enquête, etc. Voilà, alors restons-en là et mettons ça au bénéfice du doute et du romanesque possible aussi. On a souvent dit d'Henri de Montfred qu'il avait pratiqué le trafic d'esclaves. Est-ce vrai? Oui, alors, on ne peut même pas dire que c'est faux, tellement c'est invraisemblable, en fait. Et on l'a dit d'ailleurs récemment. Enfin, je dis récemment, c'est-à-dire bien après sa mort. Vous imaginez bien que les ennemis qu'il avait, type le Négus, type le gouverneur de Djibouti, ou même Haïlé Sélassié, oui, le Négus, voilà, d'Éthiopie, se serait précipité sur cette occasion pour le faire coffrer immédiatement, parce que Haïlé Sélassié avait promu des lois anti-esclavagistes. Donc non, c'est pas possible. Et puis quand on fait l'analyse, je dirais à froid, logique de a-t-il pu l'être, quand on sait les difficultés qu'il a pu avoir déjà avec le commerce des armes, vous imaginez, avec un commerce aussi sensible que celui des esclaves, s'il y avait touché un minimum de minimum, il se serait fait descendre, je pense, hein, par les concurrents, avant même d'être jugé par les Français ou les Anglais. Henri de Montfred a rencontré à plusieurs reprises Mussolini, le dictateur italien. Oui. Est-ce qu'il était pour autant fasciste? Mais non, là aussi c'est grotesque dans la mesure où il faut pas faire de contresens, dans ce sens où dans les années 30, la France, le gouvernement français, tentait des rapprochements avec Mussolini pour justement le séparer d'Hitler. Alors ça n'arrange pas, je dirais, ça ne cautionne pas le fascisme de Mussolini. Mais disons que Henri était, je pense, un grand naïf politique, ça c'est sûr. C'était des idées un peu grandioses, il a été ébloui par l'homme, c'est tout. Parmi les multiples œuvres d'Henri de Montfred, mis à part Les Secrets de la Mer Rouge, bien sûr, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de lire pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Henri de Montfred? Eh bien, je conseillerais peut-être deux choses. Soit le livre qui va bientôt sortir chez Grasset, qui s'appelle « Vivre libre » et qui résume assez bien à la fois sa vie, sa pensée et son action. Et si on a envie d'entrer dans dans ses circonvolutions cérébrales, il faut lire « Aventure extraordinaire » chez Artaud, que j'ai publié il y a une dizaine d'années, où là, vous retrouvez toutes ses lettres et ses journaux de bord. Et là, vous vivez au jour le jour. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Guillaume de Montfred. Vous êtes l'auteur d'Henri de Montfred, Impossible grand-père, paru l'année dernière aux éditions Glénat, et en 2005 de En mer rouge, Henri de Montfred, aventurier et photographe chez Gallimard. Et à écouter un CD d'entretien de 1956 d'Henri de Montfred avec Paul Guimard, dans la collection Les Grandes Heures, Radio France, INA. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en Provence pendant la Seconde Guerre mondiale avec un poète qui prit les armes pour lutter contre Vichy et contre l'occupant nazi, René Char, le grand poète, l'ami des surréalistes et d'Albert Camus, qui sous le nom du capitaine Alexandre dirigea un important réseau de résistance dans le sud-est de la France. René Char, un poète qui prend les armes, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, bien sûr, Edouard Baird vous attend, ses lumières brillent déjà dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.